Kaivalya Navanita, la crème de la libération. Prologue. Prosternation aux saints pieds de l'unique Seigneur qui, comme l'éther, demeure en tant que seul témoin dans le cœur de tous les êtres, qu'ils soient sous l'emprise du désir de richesse, de terres et de femmes, ou qu'ils soient exempts de ce désir, et qui brille comme l'imposante cime qui domine les sept hauteurs spirituelles successives, lesquelles sont elles-mêmes élevées au-dessus de tous les autres plans du mental, ou en Anilam, le plus saint des sept lieux saints. Je vénère la pure conscience à jamais resplendissante, qui se manifeste en tant que Brahma, Vishnu ou le puissant Shiva, en conformité de laquelle il crée, maintient ou rétracte l'univers, et aussi sous la forme des innombrables êtres individuels, tout en restant à jamais libre et parfaite, comme le soleil resplendissant au-dessus de l'océan de béatitude. Je vénère à jamais les pieds de lotus de mon maître, par la grâce de qui j'ai appris que mon véritable soi est la réalité tout embrassante, à savoir Brahman, que la mosaïque de l'univers n'est qu'un phénomène en moi, et que cette réalité subsiste en tant que soi, tel l'éther dans un mur. J'adore le Tout-Puissant, qui s'est manifesté sous la forme de mon maître, afin que le mental, l'intellect, les sens et le corps puissent, par ma connaissance même, être réduits à néant, comme la brume devant le soleil, lorsqu'il m'enseigna « Toi et moi sommes un », afin de me rendre un avec lui. Je vénère les pieds du Saint Maître qui resplendit à jamais en tant que vaste étendue sans début ni fin, ni intervalle, et je vais vous révéler la véritable nature de l'être absolu, vous expliquer ce qu'il en est de l'asservissement et de la libération, afin que même ceux qui sont trop faibles pour étudier les Écritures puissent comprendre. Tous les anciens sages puisèrent dans l'océan de lait illimité, c'est-à-dire le Vedanta, dont ils remplirent leurs cruches et leurs œuvres. Je les ai toutes portées à ébullition, sur le feu des paroles du Maître. Je les ai baratées, avec la barate de l'investigation du soi. Et je présente à tous cette crème de la libération, le Kaivalya Navanita. Ceux qui en auront écouté les paroles et auront ainsi satisfait leur faim, comment pourraient-ils rechercher la réalisation de leur désir de vie mondaine? Après avoir exprimé la respectueuse vénération que je témoigne à mon maître Venkatesa Mukunda, qui est lui-même à jamais libre et qui me fit sien, je vais rédiger ce Kaivalya Navanita que je divise en deux parties, la première contenant un clair exposé de la vérité, et la seconde dissipant tous les doutes qui pourraient surgir à la lecture du premier aperçu. Section 1. L'exposé de la vérité. Première partie. Les sages disent qu'il y a quatre conditions préalables à la réalisation de la vérité. La première est viveka, la discrimination entre le transitoire, les phénomènes irréels, et le permanent, à savoir la réalité. La seconde condition est l'indifférence à la jouissance des plaisirs dans l'ici-bas et dans l'au-delà. La troisième est l'ensemble des six qualités. Et la dernière condition est l'aspiration à la libération. Les six qualités sont Samma, Dhamma, Upparati, Titiksha, Samadhana et Shraddha. Parmi celles-ci, Samma est le contrôle du mental. Dhamma est le contrôle des sens. Upparati est la cessation des activités en rapport avec la caste, la croyance, la famille, etc. Titiksha est le contrôle des passions et inclut l'endurance. Samadhana est, selon les sages, la stabilisation du mental en vue de réfléchir sur la vérité telle que révélée par les écritures et les sages. Et Shraddha signifie la foi dans le maître et dans les écritures. Telles sont les significations des six termes de cette catégorie. Nul ne peut réaliser quoi que ce soit dans le monde sans être adéquatement pourvu pour la tâche. Pour la même raison, seuls ceux qui sont pourvus de ces quatre catégories de conditions préalables peuvent obtenir l'illumination. Il n'est pas très facile pour un novice de l'atteindre. Si quelqu'un l'obtient sans difficulté, c'est qu'il s'est successivement purifié lors d'innombrables incarnations antérieures. Seul est qualifié pour la connaissance celui qui, souffrant des trois types de troubles provenant de l'ego, des éléments et de la providence, tels que la faim, la soif, la chaleur, le froid, la pluie, la maladie, les voleurs, les animaux sauvages, etc., se tortille comme un ver desséché par la chaleur et aspire à s'immerger dans le nectar de la sagesse pour mettre fin à la série des renaissances. Alors que s'intensifie le désir de libération, il devient peu à peu indifférent à ses liens familiaux et mondains et s'enfuit, telle l'antilope qui s'est libérée du lacet d'un chasseur, et se met en quête d'un saint maître qu'il vénérera de tout son cœur. Après avoir salué son maître avec ferveur, il se releva et pleura toutes les larmes de son corps en disant « Cher Seigneur, j'ai longtemps souffert de la torture de la vie mondaine, qui après tout est si fausse. Maître bienveillant, sauve-moi en détachant les cordes qui me lient aux cinq enveloppes, afin que mon cœur puisse être en paix. » Et le maître le prit en affectueuse considération, comme une tortue à l'égard de ses œufs. Il le regarda comme un poisson regarde ses œufs. Il passa ses mains sur lui, comme un oiseau déploie ses ailes sur ses œufs, et dit « Il y a un moyen de mettre fin à tes renaissances. Je vais te le communiquer. Si tu le mets en pratique, tes renaissances cesseront. » Note de bas de page. Ces attitudes symbolisent les trois sortes d'initiation, par la pensée, par le regard et par le toucher. Fin de la note. Au son même des mots « tes renaissances cesseront », le corps frissonnant, le cœur jubilant comme rafraîchi par un bain pris dans un bassin spacieux, des larmes de joie s'écoulant telles un jaillissement d'amour, il tint les saints pieds du maître et l'implora de nouveau. « Même si moi, ton serviteur, suis incapable de mener à bien tes instructions, peux-tu me corriger par ta grâce ?» Tu viens juste de dire « Il y a un moyen de mettre fin à tes renaissances. Aie la bonté de me le communiquer et de me sauver. Je t'en supplie. » Le sentant malheureux et autodiscipliné, le maître examine l'âme de son disciple et se met à l'instruire afin qu'il puisse recouvrer sa véritable nature, comme une guêpe qui dépose une chenille de choix dans sa cellule de terre, puis se met à bourdonner devant elle. Écoute, mon enfant, lui dit le maître, celui qui a oublié sa vraie nature naît et meurt tour à tour, tournant en rond dans l'incessante roue du temps, telle une plume prise dans un tourbillon, jusqu'à ce qu'il réalise la vraie nature du soi. s'il parvient à voir le soi individuel et son substrat, le soi supérieur, il devient alors ce substrat, c'est-à-dire Brahman, et échappe aux renaissances. Si tu te connais toi-même, aucun mal ne t'arrivera. C'est là ma réponse, comme tu me l'as demandé. Le disciple dit, « Seigneur, penses-tu que je sois à ce point stupide pour me parler ainsi? Peut-il y avoir des gens dans le monde qui soient ignorants du soi? Comment se fait-il qu'ils sont tous pris au piège de la ronde des naissances et des morts? Dis-moi l'infaillible vérité, car je t'en conjure avec une foi sans réserve. » Le maître répond, « Seul est réalisé celui qui sait ce qu'est le corps et qui est incarné. » Le disciple demande, « Qui d'autre est incarné si ce n'est cette chose grossière ?» En entendant cette question, le maître sourit avec compassion et dit, « Tu dis que tu ne peux trouver l'être incarné différent du corps grossier. Dis-moi alors qui est apparu en tant que sujet dans ton rêve ?» Ou qui a fait l'expérience du sommeil, là où même la douleur du rêve était absente? Ou encore, quelle est cette conscience de l'état de veille? Le disciple dit, « Chaque jour, l'expérience prouve que l'expérimentateur de l'état de veille, ou l'expérimentateur des rêves lorsque la conscience éveillée est partie, ou l'expérimentateur du sommeil profond, doit être différent du corps grossier. » La chose n'est pourtant pas réalisée. Ce n'est qu'un éclair dans le mental qui s'éteint aussitôt. S'il te plaît, explique-moi. Le maître dit, « De même que les gens, en pointant du doigt un arbre sur la terre, indiquent le troisième jour de la lune ascendante, et en pointant du doigt d'autres étoiles, localisent Arundhati, de même, le sage commence par pointer du doigt ce qui est grossier, pour rendre connaissable la cause subtile. Le Vedanta dans son ensemble mentionne comme cause respective de l'asservissement et de la libération la surimposition, c'est-à-dire la connaissance erronée, la fausse attribution ou l'illusion, et son effacement. L'asservissement est causé par la surimposition, la libération par son effacement. Écoute à présent ce qu'on peut dire du premier. La surimposition, c'est voir une chose dans une autre, un serpent par exemple dans une corde, un homme dans un poteau, de l'eau dans un mirage, ou la forme d'une voûte dans le ciel vide. Et de même, les cinq éléments et leurs combinaisons vues en Brahman, qui est exempte de nom et de forme, un seul et même sans second, conscient de lui-même et parfait, ne sont que des produits de l'illusion. Si tu demandes comment la surimposition engendre la création, voici la réponse. Les jivas, dont le commencement ne peut être connu, demeurent non manifestés dans avyakta, comme dans le sommeil profond. Cet état est dérangé par la pensée génératrice d'Ishvara, appelée aussi le temps. Avyakta cesse alors d'être causal, c'est-à-dire latent, et les trois gunas se manifestent. Ces trois gunas, ce sont sattva, rajas et tamas, respectivement le blanc pur, le rouge et le noir, ou encore le clair, le trouble et le sombre. Bien qu'à égalité, l'un d'entre eux prédominera toujours. C'est là une explication. En voici une autre. L'état causal, qui demeure non manifesté, se déploie ultérieurement en tant que Mahatattva, la totalité des jivas, et se manifeste en tant qu'ego dans lequel apparaissent les trois gunas. Chit, la conscience universelle, pareil à l'éther, se reflète en eux. Parmi ces trois, Sattva est clair et est appelé Maya. Brahman, qui s'y réfléchit, est Ishvara, la cause intelligente de l'univers, immanant en toute chose, non souillée par la Maya ni par aucun des gunas. cette maya est l'état de sommeil profond, le corps causal, et l'enveloppe de félicité d'Ishvara. Rajoguna est avidya, l'absence de connaissance réelle. Chit se réfléchit dans ce guna, qui n'est pas clair en raison de sa constante agitation, et donne naissance à d'innombrables êtres. Le jiva dans cet état est connu en tant que prajna. C'est là l'enveloppe de félicité, l'état de sommeil profond, et le corps causal des jivas. Jusqu'à présent, j'ai décrit l'étape causale de la surimposition. Écoute maintenant mon explication de sa phase subtile. Dans le but de donner au jiva les moyens de l'expérience, et par la grâce aimante d'Ishvara qui possède tous les merveilleux pouvoirs de son inséparable maya, le tamoguna se divise ensuite en ses deux aspects, c'est-à-dire l'impénétrable voilement de la réalité et la multiplicité des phénomènes. Dans ce dernier aspect apparaît l'éther, de l'éther, l'air, de l'air, le feu, du feu, l'eau, et de l'eau, la terre. Tous les cinq, dans leur état naissant, sont appelés éléments. C'est d'eux que proviennent les corps adaptés aux expériences. Les trois gunas pénètrent l'ensemble de ces cinq éléments. De sattva, qui est pur, émanent les jñādendriyas, c'est-à-dire l'essence de l'audition, de la vision, du toucher, du goût et de l'odorat. De fonctions individuelles, ainsi que le mental et l'intellect, de fonctions collectives. Ces sept produits de sattva forment les instruments de la connaissance. Puis, de rajoguna, émanent les souffles vitaux, de fonctions collectives, et les karmendriyas, à savoir les mains, les pieds, les organes de la parole, de l'excrétion et de la reproduction, qui eux sont de fonctions individuelles. Ces 17 fondamentaux forment les corps subtils des dieux, des démons, des êtres humains, des animaux et de tous les autres organismes vivants. Le jiva, uni à un tel corps, est appelé Taejasa, et Ishvara, dans des conditions similaires, est connu en tant que Hiranyagarbha. Dans les deux cas, il est appelé le Linga Sharira, ou corps subtil, lequel comprend les trois enveloppes, l'enveloppe vitale, mentale et intellectuelle. C'est l'état de rêve. Voilà pour le corps subtil. Écoute à présent la description du processus de surimposition du corps grossier. Ishvara, qui est à jamais vigilant, combina les cinq éléments de façon à élaborer les corps grossiers des jivas et les objets d'expérience. Chacun des cinq éléments fut divisé en deux moitiés. Chaque moitié fut subdivisée en quatre quartiers. Puis la moitié principale d'un élément fut combinée avec un quart de la subdivision de chacun des quatre autres. Ce processus donna naissance aux éléments grossiers à partir desquels les quatre catégories d'êtres et leurs expériences, l'univers et ses mondes furent créés. Note de bas de page. Les quatre catégories d'êtres sont celles nées d'un fœtus, celles nées d'un œuf, celle née d'une larve et celle née d'une graine. Fin de la note. Le jiva, uni au corps grossier, est appelé vijva, qui signifie tout, et ishvara, sous des conditions identiques, est connu comme virat, qui signifie univers ou macrocosme. Le corps grossier est le revêtement physique, l'anamaya kosha, et ses expériences, le cosmos et ses mondes. Mon enfant, souviens-toi de cette brève exposition du corps grossier. Le disciple dit : Maître, si ces états, à savoir le corps grossier, subtil et causal qui forme les upadis. Si ces états sont communs aux deux, comment pouvons-nous connaître la différence entre le sublime Ishvara et le jiva ordinaire? Le maître répond: le jiva est l'effet et Ishvara la cause. Il existe aussi une différence semblable à celle qui sépare les unités de leur totalité. Les arbres forment les unités. Leur totalité est la forêt. En règle générale, les jivas, mobiles et immobiles, sont les unités séparées. Leur somme totale est Ishvara. Voilà la différence entre Ishvara et les jivas. J'ai décrit jusqu'à présent ce qu'est la surimposition. Seul est un jñāni, celui qui sait sans l'ombre d'un doute que tout ce qui est vu n'est qu'éphémère, à l'instar d'un rêve. Écoute maintenant ce qu'est le processus d'effacement de la surimposition. Voie vers la merveilleuse moksha, la libération, laquelle est semblable à un ciel pur quand tous les nuages d'hiver ont disparu. Tout comme après un examen, on découvre que ceci n'est pas un serpent, mais une corde, et que ceci n'est pas un voleur, mais un pieu épais. On comprend aussi, sans l'ombre d'un doute, grâce aux paroles du maître et à la lumière des Écritures, que le corps, le monde et les éléments ne sont que Brahman, c'est-à-dire la conscience inaltérable. Sache que c'est là l'effacement de la surimposition. La cause et l'effet sont identiques, comme le tissu et le fil, les ornements et l'or, les ustensiles et l'argile. Réduire le corps à sa cause antérieure, jusqu'à ce qu'avidya, l'ignorance, soit reconnue comme la cause racine de tout, est la méthode pour effacer la surimposition. Le disciple dit: tu as dit que le tamoguna fonctionne sous deux aspects, le voilement et la multiplicité. Tu viens d'expliquer cette multiplicité qui provient du désir. Dis-moi, cher Seigneur, ce qui résulte de l'autre aspect, le voilement. Le maître répond: avarana, c'est-à-dire le pouvoir du voilement, voile la vision intérieure de tous les êtres incarnés, hormis l'insurpassable Ishvara et les jñāni réalisés, sous la forme de « cela n'est pas, cela n'est pas apparent », de la même façon que l'obscurité épaisse d'une nuit d'hiver cache à notre vue le ciel, la terre et les directions. Extérieurement, cela empêche totalement de distinguer Brahman, qui est la perfection, de ses modifications, c'est-à-dire le monde, et intérieurement de distinguer le soi, qui est pure conscience, de ses modifications, c'est-à-dire les facultés internes telles que l'ego et le mental. C'est là, par conséquent, la seule cause de cette maladie chronique qu'est la série indéfinie des naissances et des morts. La question se pose alors: sur quoi repose la surimposition si le substrat est complètement caché? Et comment peut-il y avoir une quelconque surimposition si le substrat n'est pas caché? Le substrat a un double aspect, un général et un particulier. Le substrat général reste continu et ininterrompu. La surimposition transitoire est particulière. Dans le monde, le substrat commun, ceci est, ne peut jamais être voilé. Seule peut l'être l'identité particulière. Ceci est une corde. Il en va de même pour le jiva. L'ignorance ne voile pas le substrat « je suis », mais voile la connaissance spécifique « je suis Brahman ». Note de bas de page. La connaissance « ceci est » persiste. Que nous voyons une corde ou un serpent, elle est ininterrompue, continue et générale. Tandis que la connaissance de la corde est inexistante quand elle est vue en tant que serpent, et celle de serpent lorsqu'il est vu en tant que corde. Une telle connaissance est réelle quand une corde est reconnue et irréelle quand un serpent est superposé. Fin de la note. Le disciple demande « Comment se fait-il, cher maître, que le pouvoir de voilement soit blâmé pour les agissements du pouvoir de la multiplicité, lequel, survenant sous la forme des cinq enveloppes, du jiva et du monde, empêche que le pur être soit vu ?» Le maître répond « Bien que le pouvoir de la multiplicité soit la cause directe de la ronde funeste des naissances et des morts, il est toutefois au service de ceux qui cherchent sérieusement la libération. L'obscurité de la nuit ne peut-elle pas offrir le même service que la lumière du jour pour des activités qui nous sont utiles ? Que puis-je te dire de plus ? Voilà pourquoi, mon enfant, le pouvoir de voilement est le plus néfaste des deux. Quelqu'un a-t-il jamais été libéré de la ronde des naissances à venir en raison du fait que le monde était totalement perdu de vue dans son sommeil profond ou lors de la dissolution? Le pouvoir de la multiplicité est tout à fait à même de provoquer la libération, mais le voile épais de l'ignorance est la seule cause de la calamité présente. Tu peux argumenter de la façon suivante. Dès lors que le pouvoir de la multiplicité est censé être une surimposition, à l'instar de l'apparence d'argent dans la nacre, et est donc faux, la libération obtenue à l'aide de ce faux pouvoir doit être également fausse. Un rêve effroyable, bien qu'irréel, finit par arracher le rêveur à son sommeil. La libération n'en est pas moins réelle. Tout comme un poison est généralement l'antidote d'un autre poison, une pointe de fer est extraite d'un autre morceau de fer, des flèches sont repoussées par d'autres flèches, et une boue est nettoyée moyennant une autre boue. De même, l'ignorance, qui est faible par elle-même, peut être éradiquée par des méthodes qui relèvent de la même maya. Plus tard, cette dernière périt aussi, comme le bâton utilisé pour retourner un corps calciné. Moyennant cette maya, les jivas font l'expérience des sept étapes de développement suivantes. L'ignorance, le voilement, la multiplicité, la connaissance indirecte, l'expérience directe, la libération du malheur et la béatitude suprême. Parmi celles-ci, l'ignorance consiste à perdre de vue que le soi intérieur n'est autre que Brahman. Le voilement fait que l'on dise « il n'y a pas de Brahman, je ne le vois pas ». La multiplicité surgit sous la forme « je suis un homme, je suis un jiva ». La connaissance indirecte, c'est connaître la nature du soi grâce aux enseignements du maître. L'expérience directe, c'est rester inébranlable en tant qu'être unitaire après l'investigation du soi. La libération du malheur, c'est mettre fin aux limitations et au sentiment d'être l'agent. Et la béatitude suprême, c'est la réalisation finale, c'est-à-dire la libération de l'asservissement. Je vais maintenant te raconter une histoire pour illustrer ce que je viens de dire. 10 hommes passèrent un torrent à gué et, en atteignant l'autre rive, chacun d'entre eux compta 9 autres en oubliant de se compter lui-même. Ils étaient tous perplexes parce que le 10e homme était manquant. L'ignorance est le manque de compréhension correcte, lequel cause la confusion. Le 10e homme est manquant, il est introuvable. Cette pensée est le voilement. Le chagrin éprouvé à la perte du compagnon est vikshepa, qui signifie distraction ou dispersion. Prêtez attention aux paroles d'un aimable passant disant « Le 10e homme est parmi vous ». C'est la connaissance indirecte. Lorsque l'homme prévenant engage l'un d'entre eux à compter les autres, et pointe du doigt celui qui compte comme étant le dixième homme, la découverte par ce dernier qu'il est lui-même le dixième homme manquant constitue l'expérience directe. La cessation du chagrin éprouvé par la perte de l'homme est la libération du malheur. La joie de l'indubitable constatation par soi-même est la béatitude suprême.